Un ouvre Israël repose en paix. Ce son est dédicacé aux 110 os. Tire sur les hops comme les pions sur le ludo. Shout out à Eflam. Toujours je suis dans la Guerreville. Dans la plaza comme Stéphane. Y'avait des racistes à mon concert. Normal j'étais mes fans. Y'avait des racistes au concert de 23 c'est rap. Normal j'étais ses fans. Joue au président, joue à dernière carte. J'ai envie de fumer le président. Prends nos câbles. Dunkerque président. Dans ma ville y'a la guerre civile. Je trouve ça trop grave. Ils ont fumé le McDonald's. Comment je vais faire pour manger le DJ Snapburger? Ils ont annulé la route partie. Comment je vais faire pour voir 404 000 ils rappellent. Je suis trop fan de 404 000 ils. Rien vu sur YouTube, moi je comptabilise. Média préféré à moi c'est Bibi. Raciste de français. Plus grand raciste de France, c'est Ethan Crespi. J'ai des lunettes au nez mais j'suis pas presby. Pendant que toi dans la vie, ouais tu presses des billes. T'as aucun avenir, en plus tu fais des billes. Ton rappeur préféré c'est Wallace Cleaver. Genre dans la rue, moi j'regarde pas Clover. Dans 10 ou 20 ans j'passerai dans Closer. Quand tu joues à CS, ouais c'est game over. Yo, j'tire de la bitch. T'es mal au ciel, y'a pas de soleil. J'suis dans l'outfit, il est très correct. Dans ma ville, y'a que des bitches. Et elles n'ont même pas d'oseille. J'suis embarrassé, Porsche c'est pas assez, les racks ne sont pas assez. J'suis dans la business class, j'fais pas la baby voice. Yo, cette relation est lost, Kamunaka et tu crois que t'es le boss. Et j'pull up en cross, yo, tu peux rien ne faire, j'suis Tony Cross pendant que tu rock les crocs. Même si c'est un peu vrai, j'en bats des blés. Moi j'suis pas un auditeur de Casper Notre-Neuf. Yo, j'ai mal à terre. Ça c'est mon couple les billes. Alors il vient je te fais pas la bille. Faut que tout est repas les billes. Scalant un missile la frappe c'est smith. J'ai joué KMB que j'ai touché c'est smith. Je fais némésis mais pourtant t'es cynique. J'en ai rien à péter. Je suis fan de Michel Lai.